Chapitre 9e. Ma parole, monsieur Ribert, il y a plaisir à vous regarder. C'était Olivier qui, tout joyeux, s'étonnait lui-même de l'animation du visage de Victor. Il ne l'avait jamais vu aussi souriant et aussi vivant. Les yeux brillaient, une joie intérieure passait sur ses traits fatigués d'ordinaire et tristes. Olivier en était tout gai. Il arrivait de Belgique en droite ligne. Il était allé rue Thébou, au bureau de Guillemard, en descendant de wagon, et il avait apporté là une nouvelle qui avait failli donner un coup de sang à Émile. « Une mauvaise nouvelle ?» demanda Ribert. « Au contraire. Monsieur Guillemard, avec sa fièvre de valeurs immobilières, négligeait de s'informer même si les charbonnages de Saint-Luc valaient quelque chose. On les laissait là, en souffrance. Une compagnie belge, des banquiers de Mons et de Charleroi, associés à la maison Pettegem de Bruxelles, m'ont chargé pour votre cousin de propositions inespérées. Un achat ferme pour une somme qui peut dépasser 30 millions et un intérêt léger, il est vrai, mais garanti, conservé dans les bénéfices à venir. Et il y en aura des bénéfices, car des ingénieurs sont tout prêts à remettre Saint-Luc en activité, et M. Pettegem veut grandement lancer l'affaire. » Victor écoutait, toute sa joie se doublant par ce que lui disait là Olivier. Si la combinaison proposée par les banquiers belges était sérieuse, Guillemard se trouvait donc remis à flot. Il n'avait peut-être plus besoin de personne. Ribert en était heureux profondément, mais il n'en poursuivait pas moins l'idée qu'il avait résolue et la suivait comme une consigne. Il parcourait le salon de la rue de Châteaudun avec une activité singulière, des soupirs soulagés, un mouvement inaccoutumé. « Mon cher enfant, » dit-il à Olivier, « vous connaîtrez bientôt, » il regardait sa montre, « dans une heure, les dernières volontés de Sylvain Ducret. » Ce nom sembla brusquement couper la gaieté d'Olivier. « En quoi ces volontés peuvent-elles me concerner ?»« Vous verrez, vous verrez. » Et Victor continuait à marcher, rajeuni dans sa redingote et rayonnant comme si un grand bonheur lui fût venu. « Alors, » dit-il brusquement, « vous me trouvez mieux, Olivier ?»« Et c'est un plaisir que vous ne m'aviez pas donné depuis longtemps. Quand je suis parti l'autre soir, vous aviez une expression attristée qui m'inquiétait un peu. Aujourd'hui, ah, je vous retrouve avec une animation et une force de vie qui m'enchante. » « Je serai mieux encore tout à l'heure, » dit joyeusement Ribert, « et mieux encore, mon ami, quand nous nous retrouverons, si vous voulez, à la besogne ensemble. Oui, j'ai des projets. Vous deviez bien penser que je ne resterai pas oisif, n'est-ce pas? Vous saurez quel plan je conçois. Je veux me remettre à l'œuvre, mais avec des idées nouvelles. Vous aviez souvent raison contre moi autrefois dans nos discussions. Vous verrez que je m'en suis souvenu. Plus de routine, plus de routine. » « Ah !» fit Olivier en souriant. Comprendre l'avenir et tenir compte du passé, c'est le problème. Il baissa la voix et demanda comme en confidence. « Mademoiselle André est contente de votre décision nouvelle ?»« Très contente. Elle n'est pas inquiète de vos projets de travail. Elle en est enchantée, elle en est fière. »« Je voulais, » dit alors Olivier, hésitant un peu, « vous dire, cher monsieur Ribert, tout ce que j'ai d'affection et de dévouement pour mademoiselle André et vous demander... » Ribert comprit, il interrompit vivement le jeune homme. « Chut !» Je n'ai pas un mot, jusqu'au moment voulu. « Mais ma volonté à moi ne peut pas changer, » dit Olivier fermement. « Oui, oui, vous êtes de ceux qui savent toujours rester libres, mais elle dit aussi sa volonté, elle. « Soyez tranquille, cher enfant, vous n'avez pas longtemps à patienter. » Il tressaillit, mais joyeusement, en entendant sonner le timbre, c'était peut-être Maître Auboin qui venait. Une seule lampe éclairait encore le salon, emplie d'un crépuscule gris de février. Victor appela pour demander des lumières. Geneviève et André attendaient dans le boudoir de Madame Ribert. Tout à l'heure, en ce salon, la famille entière se trouverait réunie. « Quelle joie, ah, quelle joie, ah, délivrance !» pensait Victor. Il demanda au domestique « Qui a sonné ?» Louis entrait, répondant lui-même, et en l'apercevant, Victor dit très vivement à Olivier « J'aurai à parler à Louis, mon cher enfant. Voulez-vous nous laisser un moment ?» « Ces dames seront enchantées de vous voir. Je vous demande 2 minutes seulement. » Victor avait hâte de se trouver seul avec le peintre. Olivier sortit, Louis le priant gaiement de lui pardonner s'il le chassait, et dès que ces deux hommes qui s'étaient trouvés ainsi face à face sur la terrasse de Ville-d'Avray se sentirent seuls, Louis comprit au regard de Victor qu'il s'agissait de ce passé qui lui pesait sur le cœur effroyablement. « J'ai reçu ta lettre, » dit-il à Ribert. « Qu'est-ce qu'il y a ?» « Il y a, » répondit Victor, après avoir regardé instinctivement si les portes étaient bien fermées, « que c'est notre vie qui va se jouer ici. Oui, dans un moment, notre vie. notre honneur, notre orgueil, comme tu voudras. Ah, Louise, cet orgueil-là, l'orgueil de soi-même, c'est notre force. C'est en lui que nous puisons les résolutions et les fiertés de notre vie. Eh bien, Louis, toi, oui, toi, qu'as-tu fait de ton orgueil ? Je l'ai tué, dit Louise sourdement. Et quand ton orgueil à toi te rappelait au devoir, je t'ai empêché de l'entendre, je t'ai poussé à une infamie et qui pisait à une sottise. Il dit fermement, comme Ribert l'avait dit à sa fille, « Victor, je te demande pardon. » « Ah, je te pardonne, va, car si tu as souffert ce que j'ai souffert, tu as tout expié. N'est-ce pas, Louis ? Pendant quelques jours, tu t'es cru heureux. Et après ? Je te voyais bien, tu fuyais Olivier, qui t'aime et qui te cherchait toujours. Comme moi, tu t'es senti lâche et tu as subi ton propre mépris. Plus de gaieté, Louis, plus d'avenir, plus de fierté devant ton œuvre. » Plus d'amour même pour ton art. Tu as senti mourir ta force, tu as connu la peur, tu as perdu le sommeil. Ah, quel pain j'ai mangé, dit Louis avec un cri amer. Et que tu le sais bien par toi, tout ce que j'ai ressenti. Je regardais tout à l'heure, avant de venir, mon tableau. Un tableau où j'ai cru mettre ce que j'ai en moi tout entier. Ma parole, j'ai perdu la vision réelle des couleurs, comme la perception des choses morales. Je ne sais pas ce que je suis. Un faux peintre comme je suis un faux millionnaire. Rien, rien, rien. Ah, ce que ça coûte une mauvaise action, et ce que ça pèse un argent volé. Eh bien, répondit Victor, que remuait ce désespoir où Louis mettait un rugissement de colère contre lui-même. Si je te disais maintenant, il faut relever la tête, aujourd'hui même, et désormais la garder haute. Il faut revivre, il le faut, et voici l'heure de rendre notre héritage. Dis Louis, que répondrais-tu? Je répondrai, je suis prêt, et tout de suite, et bravement, et dépêchons-nous, cria Louis. Ta main, Louis, merci, dit Victor, qui sentit les doigts de son cousin serrer les siens dans une étreinte joyeuse. Tout à coup, Louis demanda, hésitant un peu, Victor, et ta femme? Elle prendra exemple sur André, dit fièrement Ribert. Elle sera la mère vaillante d'une honnête fille. Mais trop bon, annonça tout à coup la vieille Catherine en ouvrant la porte. « Le salut. L'orgueil qui renaît, » dit alors Victor à Louis, la voix vibrante comme un clairon sonnant la diane. Le notaire entrait, souriant, aimable, de blanc cravaté, papillonnant et posant sur la table du salon sa serviette de cuir, pendant que le domestique apportait des lampes, il serra la main de Victor et dit à Louis, « Ah, mon cher monsieur Ribert, « j'ai encore le temps de vous dire que je suis allé chez vous l'autre jour. J'ai vu votre foyer de l'opéra. »« Ah, vous l'avez vu, » dit Louis, inquiet. « Je l'ai vu, revu, admiré et réadmiré. C'est charmant, c'est d'un vrai, c'est étonnant. La petite brune qui cambre son soulier rose sur la barre d'appui, et le monsieur du fond, le carreau dans l'œil, et la jolie rousse, ah, l'adorable fillette rousse, est-ce un portrait ? On dirait un clouet. »« Chut, » dit Louis, qui devenait rouge. « Eh bien, votre tableau, votre chef-d'œuvre, je le retiens, je vous l'achète. Ce que vous voudrez, oui, ce que vous voudrez. »« Quoi donc, quoi, qu'est-ce que vous avez ?» Il était stupéfait de voir Louis, dont l'émotion croissait, se laisser tomber sur une chaise, moitié riant, moitié troublé. « Ce que j'ai ? Rien du tout, mais j'étais déjà ému et vous me bombardez là. »« Je vous bombarde, grand peintre, parbleu, de la vérité sans trivialité. » Du naturalisme qui ne néglige pas les roses, du réalisme qui regarde en haut. Mais c'est parfait, grand peintre, grand peintre, grand peintre. Peintre, moi, peintre toujours, pensait Louis, fou de joie. Je vais lui en faire cadeau, moi, de mon tableau, et j'en donnerai pour rien une copie à tout le monde. On entendait dans l'antichambre un bruit grossissant de voix, et Victor distinguait le rire de Guillemard, un rire un peu contraint, mais qui semblait vouloir répondre à quelque danger par une bravade. Le domestique annonçait monsieur et mademoiselle Guillemard, et derrière, dans l'encadrement de la porte, s'arrêtait, toujours automatique et droite, Miss Barker, à qui Victor disait, lui tendant la main, « Entrez donc, Miss Maud, votre place est ici, il s'agit aujourd'hui d'une affaire de famille. »« Trop bon, monsieur, » répondit l'anglaise, impassible. « Prévenez, madame, » dit Victor au domestique. « Monsieur Giraud est bien au petit salon. »« Oui, monsieur. » Ribert semblait, sur un champ de bataille, un capitaine qui donne des ordres. Il allait de Guillemard, assez étonné, à Raymond, qu'il faisait asseoir. Il répondait aux questions par des réponses évasives. Dans un moment, vous saurez pourquoi. Ça regarde Maître Auboin. » Guillemard avait eu le temps de lui dire très vite qu'il croyait bien, ma foi, être tiré du pétrin. Ah, quelle douleur et quelle chance! Toujours chanceux, Émile. Les charbonnages de Saint-Luc arrangeaient bien des choses. « Est-ce sérieux ? » dit Victor. « Très sérieux. J'ai accepté les conditions de mes Belges. Inespéré, mon cher, ça. Il faut avouer que ton Monsieur Giraud, notre Monsieur Giraud, est un rude garçon. Il s'est dépêché pendant qu'on ne savait pas encore à Mons que le Rodillon me taillait des croupières. Et il a conclu l'affaire pendant que mon crédit était vierge, leste. Je n'ai eu plus qu'à ratifier. Est-ce fait ? Par télégramme, ça vaut le notaire. Les notaires, dit gaiement Maître Auboin, qui n'avait entendu que les derniers mots, on les remplacera bientôt par des téléphones. La porte qui donnait sur l'appartement de Geneviève s'était ouverte, et dans le salon où la lumière des lampes faisait reluire les cadres d'or et les panneaux de chêne, Madame Ribert entra, raide et s'efforçant de sourire, très pâle dans une toilette sombre, et derrière elle, André venait, aussi blanche qu'elle, près d'Olivier qui la regardait un peu inquiet. « Qu'est-ce que tu as donc ?» demanda Raymonde à sa cousine en allant au-devant d'elle pour l'embrasser. « On dirait que tu trembles. » Il faisait un peu froid dans le boudoir. Les yeux de Geneviève cherchaient dans le salon le visage de son mari, ce visage blême, ému, mais où passait une ardeur bizarre, confiante et gaie. Victor s'était penché vers Maître Auboin, assis devant une table de boule sur laquelle il étalait sa serviette noire. La lumière de la lampe tombait sur le front chauve de Ribert, et autour de lui, autour de cette serviette de cuir qui contenait on ne savait quoi d'inconnu, un grand silence se faisait, où l'on n'entendait que l'énorme respiration de Guillemard se remuant sur son fauteuil qu'il faisait craquer. « Qu'est-ce que ça signifie ?» pensait Émile. Geneviève avait l'impression terrible de quelque malheureux combat publiquement dégradé. Tout à l'heure, elle le sentait, elle serait dépouillée de celui que s'aimait, si enveloppant et si bon. Elle avait encore la voix de Ribert dans l'oreille. « Si nous nous retrouvions comme il y a un an. » On entendit Maître Auboin dire à Victor « Enfin, Monsieur Ribert, puisque vous le voulez. » Ribert s'était redressé, sa taille courbée d'ordinaire paraissait maintenant haute et droite. Et, fièrement, dans ce salon spacieux, « Vous semblez être tous un peu inquiets, mes amis, » dit-il. Maître Auboin va vous apprendre pourquoi je vous ai prié de venir. » Les yeux du notaire semblaient, par-dessus l'abat-jour, chercher quelqu'un dans la pénombre. « Pardon, je ne vois pas Monsieur Olivier Giraud, » dit-il en faisant le tour du salon. « Je suis là, » répondit Olivier qui, entre André et Miss Maud, semblait en effet se dissimuler un peu. « Que diable, » songeait Guillemard, « a donc à faire Olivier dans une réunion de famille ?» Le cœur du jeune homme était peut-être celui qui, dans ses anxiétés ou ses curiosités, battait le plus fort. Il lui semblait qu'il était là pour défendre, protéger devant tout ce monde la vénérée mémoire de sa chère morte. Sa mère. Si le vieux Ducray, au fond de sa tombe, s'avisait de révéler le secret de la martyre, lui, le fils, se dresserait là publiquement pour dire bien haut ce que Madeleine avait souffert, ce que le vieillard lui avait fait souffrir. « Parlez, Maître Auboin, » commanda Ribert, debout, la voix ardente. Le notaire se frotta les mains avec lenteur, toussa un peu et dit doucement « Mes chers clients, il y a quelques mois j'apportais ici une lettre testamentaire de M. Sylvain Ducray qui déclarait héritier de sa fortune Messieurs Victor et Louis Ribert. Bien. Sans retard, ces messieurs ont été mis en possession. Eh bien ? » fit Guillemard. Maître Auboin détacha lentement cette petite phrase. Cette lettre ne contenait pas le véritable testament. Olivier regarda André. André souriait. Geneviève levait ses yeux presque éperdus sur Ribert. Ribert, toujours debout, la tête haute, rayonnait d'une joie virile. Le notaire continua. Le testament définitif de Sylvain Ducray, daté du troisième jour qui précéda sa mort, est parvenu depuis peu entre les mains de M. Victor Ribert, ici présent, qui me l'a transmis. Je l'ai reconnu comme étant le seul valable, le seul qui puisse avoir force de loi. « Le voici, » dit-il en tirant un papier un peu froissé de la poche de sa serviette noire. « Et conformément à la volonté de mon client, que moi, vieux praticien déjà, j'ai mes raisons d'honorer. » Il regardait Ribert, devenu un peu pâle. « Je vais vous en donner lecture. »« Comment ?» s'écria Guillemard. « C'est Ribert qui a voulu... »« Oui, mon cher, lui-même. » dit Louis avec une gaieté brave, tandis que, hochant la tête, Geneviève songeait. « Le malheur revient. » Alors, dans le silence tombant au milieu de ce salon, comme si vraiment la voix du mort eût été entendue, lentement, Maître Auboin lut ce papier que Victor savait par cœur, que Louis écoutait en se disant avec amertume « C'est cela, c'est bien cela ». Et qu'André, bien des fois, avait cru relire en se demandant si, enfin, son père n'allait point parler. Il parlait lentement. Il arrachait de ses dents la fortune. « Mon cher Victor, lisait le notaire, j'ai pu avoir l'idée de partager mon bien entre Louis Ribert et toi, mais... » Il s'interrompit. « Pardon, dit-il, mon client m'ordonne de tout lire. Mais la réflexion est venue. Tu es une sorte de rêveur trop peu pratique et l'argent que je te laisserai et que j'ai gagné difficilement, facilement s'en irait. Quant à Louis Ribert, sa philosophie dédaigneuse tant de fois professée devant moi, le rend, tout compte fait, assez riche pour qu'il n'ait jamais besoin de mon bien. Je ne laisse donc rien à Louis et je ne te laisse rien, Victor, que le plaisir d'être l'exécuteur de mes dernières volontés. » Raymonde était auprès d'André. « Du courage, ma chérie, » dit-elle. André répondit, un beau sourire éclairant son visage calme. « J'en ai, bas. » Et Victor, maintenant, s'approchant de Geneviève, se penchant vers elle, la sentant défaillir, lui répétait d'une voix tremblante ce qu'il avait dit à Louis sur le ton d'un ordre. « Au nom de mon honneur, Geneviève, au nom de ma fille et de ton orgueil, sois forte. » Maître Auboin continuait. « Je donne tout ce que je possède à ma petite nièce, Raymonde Guillemard, fille de défunte Louise Ducray, ma sœur préférée, et j'institue la dite Raymonde Guillemard, mon héritière. Sous cette condition formelle, reprit le notaire, formelle et inéluctable, ah bah, fit Cousinette, stupéfaite. L'œil étonné de Guillemard cherchait le regard de sa fille. Je veux que ma nièce Raymonde épouse le petit-fils de mon jardinier, Olivier Giraud, tel est mon bon plaisir. André, livide, froide, comme si la mort venait, regardait Olivier Giraud qui, aussi pâle qu'elle, lui jeta un regard profond d'un amour infini. Raymonde s'était comme d'un bond levé de sa chaise. « Un instant » dit-elle. « Tais-toi donc, toi !» dit Guillemard, presque brutalement. « Plus rien, quoi, plus rien ?» songeait Geneviève. Ribert lui tendait la main, lui répétait à demi-voix, ardemment, mettant toute sa vie dans ses seuls mots. « Geneviève, compte sur moi !» Mais Geneviève hochait la tête. Ses beaux yeux hagards allaient de Victor à André comme cherchant un appui, et ils s'arrêtèrent, étonnés, sur le regard mouillé de Miss Barker qui, tout bas, montrant à la jeune femme Victor et sa fille, lui dit doucement « Appuyez-vous donc sur eux, cher. Vous êtes plus fort que le malheur en vous aimant. Aimez-vous, aimez-vous. On est malheureux que lorsqu'on est seul, toute seule. » « Est-ce tout ?» demanda Guillemard, joyeux, à Maître Auboin. « Ce n'est pas tout, » dit alors Ribert, la voix ferme. Maître Auboin, tenant toujours à la main le papier du vieux Ducray, lisait. « Mon neveu Émile Guillemard et sa fille ne renonceront pas à des millions tout faits, et le mariage de Raymonde avec le fils de Madeleine Giraud me réjouira dans ma tombe. » Cet écrit est signé de la main du testateur et parfaitement légal, ajouta le notaire froidement. Pendant que Maître Auboin avait lu, Olivier avait cru revoir toute sa jeunesse attristée. Les visites atroces à Ducray, cet escalier de pierre aussi glacé que le cœur du vieillard et où tant de fois sa mère avait pleuré. Il comprenait bien, lui, la volonté de ce mort qui étonnait Raymonde et enchantait Guillemard. Lui seul la comprenait peut-être. En lui donnant Raymonde, Sylvain Ducray lui donnait sa fortune sans lui donner son nom. Nom, d'ailleurs, dont il n'eût pas voulu. C'était la réparation hypocrite d'un crime. Le vieillard croyait, avec cet argent, effacer le passé. Désarmer la morte en enrichissant son fils, payer un déshonneur avec une fortune. Toutes ces colères ignorantes d'enfant, toutes ces révoltes de jeune homme lui faisaient battre le cœur et l'indignaient. Il avait des envies de déchirer ce testament où le vieux Ducray, son père, lui faisait ainsi, comme avec mépris, l'indigne aumône de sa pitié. Guillemard, lui, s'est élevé et la poitrine élargie par la joie. « Selon la condition formelle du testateur, dit-il, je crois que j'aurai à causer avec ma fille et M. Giraud. »« Inutile, monsieur, répondit vivement Olivier. C'est devant tous que je dois déclarer qu'il me serait impossible de devenir votre gendre. »« Impossible, dit Raymonde. »« Parce que, demanda Guillemard, Olivier chercha des yeux le regard pur d'André et répondit « Parce que je ne m'appartiens plus. »« Pourtant, la volonté du mort, » dit Guillemard. « Je ne la reconnais pas, je n'ai pas à m'y soumettre. » « C'est une fortune que vous refusez, » dit encore le coulissier, suffoqué. « C'est mieux qu'une fortune, » fit Olivier en se tournant vers Raymonde. « C'est la plus charmante jeune fille. Mais je ne suis pas libre, j'aime quelqu'un. » André s'appuyait défaillante au dossier de son fauteuil. « C'est de la folie, » pensait Guillemard. « En cas de refus, la loi prononce, » dit Maître Auboin. « La loi. » « La loi, » répéta le notaire. « Elle est souveraine maîtresse, au bout du compte, la loi. »« La loi ? Eh bien, que dit la loi ?» demanda Guillemard, de mauvaise humeur. « Avait-on jamais vu ce monsieur Giraud qui refusait ainsi sa fille ?» Et Raymonde qui en paraissait toute contente. Elle rayonnait, Raymonde, comme Ribert, comme Louis. Étaient-ils donc tous fous dans cette maison ? Geneviève, écrasée, seule, lui semblait logique, étant toute triste. « Voyons votre loi, » lui dit Émile. « C'est bien simple, » fit Maître Auboin, toujours assis. « Très simple, quoique très compliqué. Elle est obscure, la loi, mais je suis ici pour l'expliquer. » Il souriait, regardant tous ces visages tendus vers lui. « Je reprends les faits, puisque le refus de monsieur, il désignait Olivier, remet tout en question. « Son refus est le mien, » dit nettement Raymonde. « Son refus est le vôtre, mademoiselle, c'est encore plus net. Monsieur Ducré a trois neveux. Par un premier testament, celui du 12 mars 1881, que voici, il institue monsieur Victor Ribert et monsieur Louis Ribert, légataires universels, ou à titre universel, avec droit d'accroissement réciproque, pour citer les termes techniques. Bon. Il y a un second testament, du 11 mai 1880, que j'ai eu l'honneur de vous lire. Par ce deuxième testament, mademoiselle Guillemard est instituée légataire universelle, à la condition d'épouser M. Olivier Giraud. Cette clause, inacceptée, doublement inacceptée. Doublement, dit Raymonde, que Guillemard bombardait de ses yeux furieux. Cette clause, doublement inacceptée, était-elle inacceptable ? Non. On ne peut, il est vrai, engager la volonté d'un tiers sans son consentement. On ne le peut pas. Mais ici, on ne comptera pas mademoiselle Guillemard. Elle est libre de refuser le legs. D'autant plus que la condition du legs était immorale, dit vivement Louis, qui avait des envies de crier contre ce damné Ducret, qui marie ainsi les jeunes filles sans leur consentement. Immorale ? Oh, ne dites pas cela, ne dites pas cela, fit le notaire. Et si c'est mon opinion ? Elle est soutenable, votre opinion. Toutes les opinions sont soutenables. Allez demander au palais celles qui n'ont pas été. Celle-ci même a été consacrée par un arrêté de la cour de Bastia. Je me moque de la cour de Bastia. Je n'ai pas besoin de la cour de Bastia pour trouver qu'en imposant un mariage à quelqu'un, quand a-t-elle consacré ça, votre cour de Bastia ? En 1828, il est vrai, et je vous l'accorde, les arrêts ne gagnent guère à rester en bouteille. La doctrine admet aujourd'hui que la condition, si un tel épouse une telle, n'est pas illicite. Elle n'est autre, après tout, que celle qui caractérise toutes les libéralités en faveur du mariage. Arrêt de la Cour de Lyon, 27 novembre 1868. Cour de Bastia, Cour de Lyon, la condition est immorale, immorale. Ne dites pas cela, répéta encore le notaire. Si vous admettiez que cette condition est immorale, mademoiselle Guillemard serait héritière quand même. Quand même ? Cria Guillemard. Quand même. Dans les testaments, les conditions immorales ou illicites sont réputées non écrites, en sorte que la disposition vaut comme pure et simple, article 900 du Code civil. « Eh bien, soit alors, » dit Guillemard, « la condition est immorale. »« Elle est morale, je me trompais. Elle est très morale, » fit Louis, qui en avait chaud. « Mais qu'elle soit morale ou immorale, » dit Raymonde, « puisque je refuse, puisque M. Giraud refuse, puisque nous refusons. » Guillemard la regardait avec des yeux. « Insensé, cette petite 6 millions. »« Eh ?» fit le notaire. « Mademoiselle a raison. Elle est bonne légiste, mademoiselle. Son refus rend la condition valable en droit, défaillie en fait. Le second testament tombe. » Geneviève ne comprenait pas, mais elle s'accrochait à chaque parole de Maître Auboin comme un noyer à une branche. Et le notaire parisien, narquois, semblait se complaire à faire ressortir les paradoxes et les bizarreries de la loi. Il souriait, disant « Il tombe, le testament, mais il n'est pas nul. »« Qu'est-ce qu'il est donc ?» demandait Louis. « Il est caduc. »« Caduc ? » ?»« Caduc. Admirez la distinction. S'il était nul, il ne révoquerait rien. Ayant été valable un moment, il a révoqué le premier testament, et si la condition s'était accomplie, cette révocation serait indiscutablement définitive. Voyons, voyons, l'est-elle, ne l'est-elle pas ? cria Louis, presque colère. « Ah ah !» fit Maître Auboin. « La jurisprudence et la doctrine sont fort embarrassées. »« Embarrassées ? » ?»« Mademoiselle Guillemard n'épouse pas M. Giraud, c'est bien convenu. »« Non, » dit Raymonde, « je ne l'épouse pas. » Son père la regarda encore. « Non, non, non. » « Eh bien, » reprit Maître Auboin, « Merlin, Grenier, Aubry et Hérault estiment, en pareil cas, que le premier testament revit. »« Le premier testament ?» balbutia Victor, devenu blême. « Le premier ?» répéta Geneviève. « Ce premier n'était, disent les légistes que je viens de citer, n'était révoqué que sous condition. De la Molombe, la grande autorité cannaise, professe qu'on doit s'en rapporter à l'intention présumée du testateur. « Mais son intention est évidente !» interrompit Guillemard. « Son intention, c'était que Raymond hérita !» Sans se troubler, sans même répondre, Maître Auboin continuait. « A-t-il voulu révoquer ses premières dispositions, le testateur ?»« Oui, » dit Guillemard. « Soit. La succession ab intestat est alors assurée. Place aux héritiers naturels, c'est-à-dire légitimes, la loi de ces jeux de mots. Et alors vous héritez tous. Tous, sauf M. Giraud. Tous ? Tous. » Le testateur n'a-t-il entendu faire au contraire qu'une révocation conditionnelle ? On en revient au premier testament. « Je ne comprends plus du tout, » dit Guillemard. « J'avoue que ce n'est pas limpide, » fit le notaire. « C'est confus, soit. » Mais un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1851 donne en pareil cas au juge du fait un grand pouvoir d'appréciation. Voulez-vous plaider ? Plaider. Le mot fut répété dans le salon sur des intonations diverses, tous refusant instinctivement ce moyen de bataille. La voix seule de Guillemard paraissait un peu hésitante. « Bah !» dit le notaire. « Voulez-vous, mon avis d'ami, et même d'officier ministériel ?» En l'absence de texte précis, le mieux est encore de liquider à l'amiable une situation délicate. Tout le monde a des droits pareils sur la succession. Un seul cas aurait pu rendre l'un de vous indigne de l'héritage. « Un seul cas ?» dit Victor. Le notaire sourit. « Je ne vous en parle que pour mémoire et pour vous montrer jusqu'au bout, dans ma lanterne magique judiciaire, les cocasseries de la loi. Je suppose que ce second testament a été détourné, caché. « Eh bien ?» demanda Ribert, la voix sèche. « Eh bien, celui qui l'aurait détourné n'aurait plus, en vertu de l'article 792 du Code civil, aucun droit sur les objets détournés ou recelés. »« Recelés ?» dit Ribert, tout pâle. Louis, tout près de lui, lui saisit la main. « Pas de bêtises, » dit-il tout bas. « Tu as fait ton devoir. T'accuser, ce serait trop. » « Et le plus bouffon, » continua le notaire, sans penser à rien qu'à amuser ses gens et s'amuser lui-même de la singularité du Code, « le plus comique, c'est que lorsque tout d'un coup la caducité du Second Testament aurait fait le receleur bel et bien héritier, il se heurterait, lui, héritier, contre cette prohibition. Non, ce que la loi est drôle. »« Très drôle, » dit Louis, la joue plaquée de taches grises, tandis que Victor restait toujours debout, sa main passée sous sa redingote à la place du cœur, serrant à travers le gilet ce cœur gonflé, ce cœur trop gros qui l'étouffait. « Donc, à l'amiable, » dit joyeusement le notaire pour conclure. « Arrangez tout cela à l'amiable. Dieu merci, il y en a assez de millions pour vous tous. » Il s'est élevé, regardant gaiement cette famille. Tous les silences répondaient éloquemment « Nous acceptons. » Geneviève, rayonnante, s'appuyait au bras de Miss Maud, et l'on entendit dans un petit éclat de rire, gai comme un babil de pinson, la voix de Raymond dire tout haut. « Eh bien, il a bien fait, Monsieur Olivier Giraud, de refuser Mademoiselle Guillemard. Bête comme tout, ce second testament. Caduc, c'est bien caduc qu'il est, Maître Auboin. Caduc, mademoiselle. Papa m'a toujours laissé libre de moi-même. Louis, » elle regarda le peintre, bien en face, de ses yeux de pervenche. « Il paraît que papa a eu peur que je ne trouve pas d'épouseur. »« Toi ?»« Moi. »« Pourquoi me dis-tu cela ?» balbutia Louis. « Parce que je t'aime bien, tiens. »« Bah, » fit Guillemard, « c'est une idée. » Louis avait laissé tomber sur la petite main de Raymond ses lèvres qui brûlaient. Il eût hésité un mois auparavant, se trouvant trop vieux. Mais le souvenir d'Alice Servier était là, le poussant vers la jeune fille et le « Aimait, aimait. » lui chantait aux oreilles. « T'épouser, tu veux donc me rendre fou, cousinette ? Qu'est-ce qui t'a donc appris que je t'aime ?»« Mon petit doigt, » dit la jeune fille. « Et mieux que cela, mon petit cœur. »